Les voilà avec un notaire. Et j'ai ouï parler de testament. Oh, votre belle-mère ne s'endort point. C'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie. Pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les desseins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Pour aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, du grand matin, Toinette! Ah, voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi.